avec leurs contemporains. L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. J'ignorais tout de ce qui s'était passé entre 40 et jusqu'à son arrivée en Suisse. J'ai découvert ça grâce à vous, parce que maman était incapable d'en parler. Et puis, nous, on n'osait pas poser de questions parce qu'on savait que c'était un sujet très douloureux. Je savais qu'elle avait été arrêtée par la police française à Montélimar avec sa maman et sa petite sœur, mais j'en savais pas beaucoup plus. Le camp de Vénissieux, c'est la première fois que j'ai entendu ce nom grâce à vous. J'ignorais tout à fait l'existence de ce passage par le camp de Vénissieux. Grandir avec la guerre. Vivre avec le silence des parents. Moi, j'ai pas de souvenir. Hein. Quand je suis arrivé au camp, sans doute je dormais. Et puis, le lendemain, je me rappelle plus très bien, mais j'ai eu l'impression qu'à Vénissieux, ça durait longtemps, mais finalement, je sais maintenant que ça durait très peu de temps. Et puis, du camp de Vénissieux même, j'ai presque pas de souvenir. Mais dites-moi, beaucoup des enfants qu'on a pu interroger se souviennent de cette nuit de la séparation et vous Du tout. Je ne sais pas comment ma mère s'est débrouillée pour que je m'en rende même pas compte. Je n'ai aucun souvenir de dire avoir dit au revoir à ma mère. Et du coup, votre maman, lors de la nuit de la séparation, c'est la dernière fois où vous l'avez vue? Je pense, mais je n'ai pas vraiment de souvenir, hein. C'est très très curieux, il y en a beaucoup qui racontent la séparation. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Mais c'est quand même quelque chose qui, ensuite, vous a perturbé. Oui, c'est resté en moi au cours du temps, mais pendant de longues périodes, il faut bien dire que je l'ai presque oublié. Hein. Les parents qui ont vécu la guerre préfèrent ne pas en parler pour éviter de raviver la douleur. Ils espèrent ainsi protéger les enfants en évitant de leur transmettre les traumatismes. Mais parfois, le silence est pire que le récit de la violence. Alors les enfants partent en quête du passé des parents pour donner du sens à ces résurgences. Raconter la guerre, c'est la possibilité de s'en libérer. Le 26 août 1942, les forces de la police et de la gendarmerie française, Valérie Porteret, se rendent au domicile de tous les juifs étrangers entrés en France après le 1er janvier 1936, de certaines nationalités, c'est-à-dire allemands, lettons, soviétiques, sarrois, polonais, autrichiens, qui ont trouvé refuge ici, et pour les arrêter, les conduire au camp de Vénissieux, où ils doivent être triés, en vue ensuite d'être conduit à Drancy et d'être déporté à Auschwitz. Et le but évidemment de l'Amitié chrétienne, patronnée par le cardinal Jallier, qui est une œuvre interconfessionnelle dont les membres agissent au sauvetage depuis plusieurs années, ça sera de mener une opération coup de poing et de sauver tous les enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui se produira dans la nuit du 28 au 29 août 1942. C'est une course contre la montre où les membres des œuvres charitables, juifs, protestants, catholiques, sous les auspices de ce résistant de Vichy, Gilbert Lesage, vont se rendre dans les baraques auprès des familles pour leur demander d'accepter de signer un acte de délégation de paternité afin de donner à ces enfants une chance de survivre. Ça veut dire que les parents abandonnent leurs enfants ? Ce qui a rendu supportable la signature de cette cession de paternité, c'était le fait qu'on leur a expliqué ou qu'ils avaient compris que c'était la dernière chance pour sauver leurs enfants d'une mort certaine. Bah écoutez, franchement, je vais vous dire, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, je ne peux pas vous raconter des histoires, je m'en souviens pas. Jean Baumel. Faut croire que c'était pas traumatique, sûrement qu'elle pleurait pas parce que moi j'ai pas de souvenirs. Vous pensez que vous n'avez pas de souvenirs pour vous protéger ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne m'en souviens pas, c'est tout. Hein. J'ai 87 ans. Hein. Vous aviez quel âge à l'époque ? À l'époque, j'avais 9 ans. Est-ce que parfois vous avez des rêves ? Oh ben, les rêves que j'ai eus, c'est plutôt après, quand j'étais à Montpellier, c'était des cauchemars. Hein. C'était des histoires d'enfer, des histoires comme ça, quoi. Hein. Et ça ressemblait à quoi, l'enfer ? Ah ben, un chaudron, on brûlait. C'est une terrible nuit d'été 42, une nuit d'orage. On rentre dans les baraques, on demande au maire de signer cet acte. On leur demande également de donner leurs dernières recommandations, c'est-à-dire quels étaient leurs vœux. Est-ce qu'il y avait des personnes qui, à l'extérieur du camp, étaient capables, selon elles, de prendre en charge leurs enfants ? Et tout ça au milieu des pleurs, des cris, des mères, des enfants, ça c'est une nuit d'arrachement, une nuit terrible. C'était l'enfer en fait. Et les enfants comprennent ce qui se passe ? Alors, soit vous avez des témoignages comme celui de Jean Baumel qui raconte qu'il n'a aucun souvenir, c'est-à-dire que la maman a peut-être fait le choix de ne pas dire au revoir à son enfant, peut-être qu'elle n'a pas pu le faire, et puis vous avez des témoignages des enfants qui racontent comment ils ont tenu leur maman en disant « tu m'avais promis de jamais me quitter » et en larmes, la maman remet une petite valise à son enfant avec ses effets personnels et tout de suite, l'enfant est pris en charge par les assistants sociaux pour les conduire au réfectoire où tous les enfants devaient être rassemblés. C'était quand même une opération faite dans l'urgence. Qu'on ne comprenait pas, je pensais que c'était normal, que c'était pareil comme ça dans toutes les familles. Au moment de partir en vacances, et bon, c'est maman qui faisait les valises parce que maman est quelqu'un de très rationnel et très ordonné. Donc, Paulette Péchère. C'était la seule qui s'occupait de ça. Et il ne fallait surtout pas rentrer dans la chambre et elle était très très énervée. Quand on fait les valises, ça devrait être un événement joyeux, ça devrait être se passer dans la gaieté, mais chez nous, c'était toujours très stressant. Mais un jour, elle m'a dit, tu sais, je crois que c'est parce qu'on a dû faire les valises. Elle m'a avoué que c'était des réminiscences de ce qui s'était passé pendant l'arrestation. Oui. Parce que moi, nous, on n'osait pas poser de questions. Et je sais qu'on m'avait dit, ta maman a vécu un traumatisme terrible. Et à tel point que je ne savais pas que ma grand-mère avait... Je savais qu'elle avait été déportée, mais on n'a jamais dit qu'elle était décédée. Et c'est seulement quand j'ai vu le livre de la déportation de Serge Klarsfeld qui est sorti dans les années 70, que j'ai vu le nom de ma grand-mère dans la liste d'un convoi, que j'ai compris... Ça n'a pas changé grand-chose, je veux dire, mais c'était très important de comprendre, de savoir ce qui s'était passé, pourquoi maman était souvent si stressée. Dès qu'il y avait un petit problème, il y avait une tension. Et je me souviens que quand j'étais adolescente, et que on se dispute avec sa maman quand on est adolescente, et tout de suite après, je me sentais très mal, je me dis, mais elle... À ton âge, elle a vécu des trucs terribles, et comment tu peux lui faire ça ? Mais je ne savais pas ce qu'elle avait vécu, c'est ça le problème. Jean, vous avez des enfants ? Ah oui, deux fils. Mais ils sont grands, hein. Ils ont 55 ans, près. Vous leur avez raconté votre histoire ? Pas avant qu'ils aient une quinzaine d'années à peu près. Autrement, j'en parlais jamais. Pourquoi ? Quand on est dans ces situations-là, on n'en parle pas, voilà. De même que j'ai fait l'Algérie, comme on dit, et j'en parle jamais non plus. C'est comme ça, les anciens d'Algérie, ils n'en parlent pas. Ils en parlent peut-être qu'entre eux, mais ils n'en parlent pas aux gens qui ne l'ont pas fait. Mais pourquoi vous n'en parlez pas ? Je n'en parle pas parce que si on vous pose des questions, ça vous met dans une situation qui est forcément, difficile à assumer. Tout le monde sait qu'en Algérie, par exemple, il y a des exactions, des tortures, etc. Si vous le racontez à vos enfants, eh bien, même si vous ne posez pas la question, ils se demanderont si moi j'ai torturé ou pas. À 20 ans, je me souviens, il m'a dit, tiens, à ton âge, j'étais là-bas. Et puis après, plus rien. C'était des énigmes comme ça. En général, les hommes, ils ont de la pudeur par rapport aux faits de guerre. Même ceux de la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père, mes grands-pères, ils avaient de la pudeur. On raconte certaines choses, on raconte pas tout. C'était un mystère, c'était presque héroïque. Moi, en tant qu'enfant, mon père a fait... Antonin Varenne. C'était dans les cours d'école, je peux m'entendre ou me souvenir d'avoir dit à des camarades d'école, ah oui, moi, mon père, il a fait la guerre d'Algérie. Il y avait quelque chose de... C'était un peu, mon père a une voiture de sport, ah ouais, bah, moi, le mien, il a fait la guerre d'Algérie. c'était une médaille d'enfant, il y avait quelque chose d'héroïque. J'avais aucune idée de ce que voulait dire la guerre d'Algérie, où était l'Algérie, quand ça s'était passé, et encore moins de ce que mon père avait pu y faire, combien de temps il y avait passé. Je me souviens d'avoir découvert plus tard qu'il y était resté 2 ans, et là, par contre, ça m'avait paru complètement fou. Que ça dure aussi longtemps. Donc voilà, je savais qu'il a fait la guerre d'Algérie. Ça n'a rien voulu dire de précis pendant très très longtemps. J'en ai jamais parlé à mes enfants. De cette période. Non, parce que je ne veux pas les embêter avec ça. Mehdi Charef. J'ai pas envie de plomber la soirée, oui. Parce que je suis contre les guerres, alors... Ne pas leur parler de la guerre, c'est un petit peu l'ignorer, c'est un petit peu la... qui n'existe pas, je sais pas. Et puis j'ai pas envie... Le père, c'est toujours quelqu'un qui veut se montrer fort, qui veut se montrer... Et donc, qui a l'air de pleurnicher sur son sort, ce qu'il a... C'est qu'à un moment, il veut être un héros, puis plus... c'est ce que je voulais quand j'étais gamin. Quand j'ai caissé la voiture de la police française, c'est parce que j'étais quelque part un héros, je me prenais pour un héros. Et c'est vrai que les enfants aiment bien de penser que leur père s'est comporté un héros. Je veux pas qu'ils aient ce genre de rêve ou ce genre de... Non, parce que je suis contre toutes ces violences, quoi. J'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Qui se reconnaissent dans mon geste de rébellion, mais pas dans la guerre. Donc je m'en vante pas. Je préfère que ce sujet, il l'évite. C'est peut-être pour ça. C'est moi qui rends le sujet tabou. Je suis contre les tabous et là, j'en fais de mon côté. Et puis peut-être aussi que j'ai envie qu'ils vivent leur relation avec leurs potes français. Harmonieusement, et je ne veux pas que, à cause de ce que je leur dis, ils aient des différends avec leurs copains français. Que je fausse leur raisonnement. Il ne faut pas que je mélange mon histoire et la leur. Eux, c'est autre chose. Je voudrais les laisser libres. Il fait nuit, je marche rue d'Hauteville avec pour seul compagnon des morts. Je suis entouré de quelques SS, de quelques joueurs de baseball. Nous enjambons des corps nus entassés les uns sur les autres. L'odeur écœurante de soufre et de mort des cheminées d'Auschwitz nous prend à la gorge. Je n'arrive jamais à être seul. Je suis donc seul au monde. Les morts me suivent, je ne sais pas d'où ils viennent ni ce qu'ils veulent. Ils surgissent à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Voyez, ils sont là maintenant. Ils se mettent à côté de moi quand je regarde la télévision, quand je joue à un jeu vidéo ou quand je tourne les pages d'un livre. Ils sont à mon chevet quand je m'endors. Ils sont dans mes courses de chevaux et dans mes matchs de baseball. Les morts ne s'assoient pas. Ils restent debout à observer les défaites et les victoires. Les morts envahissent mes pensées, mes visions et mes rêves. Je ne sais pas comment les supprimer. En vérité, j'aimerais leur dire que je les écoute dans l'espoir qu'ils se retournent et qu'ils me laissent en paix. Mais j'ignore s'ils peuvent m'entendre. Il se peut aussi que des visages sur des photos d'identité de juifs morts dans les camps me soient restés en tête depuis que j'en ai vu plusieurs centaines, sur Internet aussi. Je m'appelle Frederica Amalia Finkelstein. Je suis écrivain. J'ai écrit deux romans, L'oubli en 2014 et Survivre qui est apparu en 2017. L'oubli, c'est le livre d'une quête qui prend ancrage dans le présent, mais dans un présent impossible, puisque la narratrice vit dans l'amnésie, dans un chaos intérieur, je pourrais dire. Et cette quête qui prend spatialement, disons, la forme d'une marche dans la nuit à travers la ville de Paris, c'est au fond une quête mémorielle, parce qu'elle va tenter de trouver une forme de paix par la recherche de son passé. Le passé familial, mais le passé historique aussi. Une famille naît dans une époque, dans un temps donné, et l'histoire est intimement mêlée à la vie d'une famille, la vie de générations. Je le répète, je n'ai aucune peur d'oublier l'extermination des Juifs. Plus précisément, je souhaite qu'on me fiche la paix avec cette histoire, qu'on la raie de ma vie une bonne fois pour toutes, car c'est le seul moyen que j'ai de survivre. Je ne supporte pas le matraquage dont fait l'objet la société dans laquelle je vis. Je ne supporte pas ce qu'on inflige à mon cerveau, affamé d'espoir et de douceur. Je veux vivre dans un monde sans violence, neutre et harmonieux comme la Suisse telle que je la rêve. Et je veux pouvoir écouter Daft Punk sans penser aux chevelures de femmes tondues et amassées dans des bocaux à côté d'autres bocaux remplis de dents, d'ongles, de peaux de juifs, sans penser à ces morts qui me dégoûtent pour la simple raison qu'ils ont été exterminés. Ce sont des rats, tués comme des rats. Je veux voir le soleil se lever avant 7 heures car j'aime le printemps, pour la seule beauté de son aurore. Tout à l'heure, je sortirai pour voir le soleil, puis je rentrerai à pied jusqu'à la rue d'Hauteville et je me coucherai en silence. C'est une lettre qui est facile à lire, elle est imprimée. Collège François Villon à Saint-Fargeau-Pion-Pontiri. Ils sont venus au mémorial de la Shoah. Bonjour, monsieur Jacques Lindberg. Votre témoignage durant la guerre était tellement émouvant et de la façon que vous nous l'a raconté m'a vraiment touché que je me suis rendu malade. Au fond, je me suis dit que j'ai une énorme chance de vivre à cette époque, parce que moi, si j'aurais été à votre place, je ne pense pas que j'aurais résisté à tout ça. Et c'est ce que j'ai trouvé d'extraordinaire chez vous. Je vous dois un énorme respect pour tout ce que vous avez vécu. Je suis sincèrement désolé et je vous souhaite que du bonheur. Merci. Il s'appelle Mathias. Donc le jour de mon témoignage, j'arrive au mémorial, j'ai, je sais pas moi, 100 ou 150 élèves, des grands, des troisièmes. Ils ont 15 ans, 16 ans. Et puis, je me présente, et il y a un moment, je leur explique, vous, les enfants de Tournan-en-Brie, vous m'êtes particulièrement précieux. Votre présence est importante parce que votre ville fait partie de mes souvenirs profonds. Alors les enfants, je vois qu'ils ont un regard attentionné, ils veulent savoir pourquoi. Et je leur explique que le 22 juin 1944, il y a eu un bombardement. Je suis arrivé avec mes copains dans leur ville, on a aidé pour autant qu'on a pu. Et ce spectacle, ce souvenir est quelque chose avec lequel je vivrai toute ma vie. Et je leur pose la question, vous, enfants de Tournant, vous êtes combien à savoir que votre ville a été déglinguée, bombardée, démolie pendant la guerre? Il y avait 150 élèves ou 140, je ne sais pas. Il y a une main qui s'est levée. C'était un choc. Pour moi, bien sûr, mais également pour eux. Un événement de cette importance dans l'histoire d'une ville. Les grands-parents n'ont pas transmis aux parents, qui n'ont pas transmis aux enfants. Et là, j'avais un élément considérable pour expliquer l'importance de la mémoire, l'importance de la transmission. D'un seul coup, 150 élèves ont appris quelque chose d'énorme sur leur vie, qui vont, eux, retransmettre à leurs enfants. Je me pose parfois la même question à mon endroit. Suis-je emmurée vivante par la trace qu'ont laissée sur moi mes ancêtres? Les traces peuvent nous ensevelir. C'est la raison pour laquelle je veux oublier. Être ensevelie, c'est ne pas pouvoir vivre. Je veux pouvoir vivre. Il y a des traces qui flattent notre orgueil, d'autres qui nous rassurent, d'autres qui nous bousculent et nous font peur. Se sentir rattaché à quelque chose, à une histoire, à un nom, à une généalogie, à un être, à une famille, cela est important. Une trace aussi peut blesser. Je me sens blessée par certaines traces. Vous prétendez qu'il est nécessaire d'oublier la guerre qu'ont vécu les générations précédentes pour pouvoir vivre aujourd'hui. C'est très paradoxal parce que je pense qu'on ne peut pas être bien dans le présent si on n'est pas conscient du passé. Pourtant, sortir du temps, ne plus être ce qui nous précède, s'affranchir de tout, de notre histoire, du milieu d'où l'on vient, des traumas qu'on a pu vivre, c'est la condition même d'un état de paix. Alors, mon grand-père est né en Pologne, à Cracovie, à Kazimierz plus précisément, d'un grand-père rabbin. Malheureusement, j'ai peu d'informations parce que dans ma famille, justement, je suis une des seules qui s'intéresse vraiment au passé de la famille. Mais je sais qu'à peu près fin années 20, mon grand-père, qui était enfant, est parti avec son père en bateau. Et il voulait originellement aller à New York. Et il s'est trompé de bateau parce qu'il ne parlait pas la langue. Il parlait que yiddish, en fait. Et donc il a atterri à Buenos Aires par erreur avec son fils. En fait, est-ce qu'on peut dire que votre grand-père a échappé à la Shoah ? C'est certain. C'est certain, puisque la famille de mon grand-père qui est resté en Pologne, ils ont tous été exterminés. Il est évident qu'il aurait été exterminé lui aussi. C'est à la fois une chance et peut-être un instinct de survie qui fait qu'ils sont partis quelques années avant. Enfin, il y avait déjà un climat extrêmement antisémite en Pologne à cette époque, c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais effectivement, s'il était resté, il serait mort. Et cette histoire-là, c'est pas dit clairement dans votre famille? Je suis allée vers cette demande de savoir. On ne me l'a pas transmise. Et je vois d'ailleurs dans ma famille des êtres très proches qui ne sont pas intéressés par cette histoire. J'ai une espèce de crise d'identité permanente. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Un vertige permanent et je pense que retrouver cette histoire, ça m'a donné vie. Et la figure de mon grand-père, c'est quelqu'un qui m'a toujours semblé très proche. Comme si dans l'autre monde, dans le monde des morts, comme on dit, il y avait quelqu'un qui m'entendait. Finalement, j'ai jamais vraiment cru au monde des vivants qui serait complètement séparé du monde des morts. Où souvent, je parle à des... intérieurement, enfin, j'ai des... Ils sont présents. Ah oui, vraiment. Que ce soit des figures familiales ou des artistes. Je vis avec eux. Et vous aviez besoin de savoir cette histoire de votre grand-père pour pouvoir vous en libérer? Je ne cherche pas à m'en libérer. C'est pas un poids. Pas du tout. Je cherche pas à faire une catharsis non plus. Je cherche plutôt, je pense, à rejoindre un lieu de vérité. C'est davantage le dialogue entre le maintenant et ce qui me précède. Accéder à un rapport au temps où je peux naviguer entre maintenant et avant. Et je pense que mon grand-père, il me rend le passé naturel. Ça me paraît pas quelque chose d'historique. C'est vivant pour moi. Peut-être que je cherche ça aussi, à créer de la vie dans le passé. Ça me permet de faire ça. Et ce qui a été vraiment un déclencheur, je veux dire, intime, personnel, c'est quand mon frère aîné s'est suicidé. Il avait un an de plus que moi, il avait 36 ans. Et là, je me suis dit, il y a des malheurs dont l'histoire dépasse la famille. Bruno Boulzaghi. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a même dans l'origine du naufrage de mon père, parce que mon père avait une dépendance très forte à l'alcool, parce que l'alcool, c'est un naufrage. Je me suis posé la question de l'origine. Et en fait, c'est cette question de l'origine qui m'a amené à la guerre d'Algérie. C'est aussi... Et donc, ce sujet a commencé à me passionner, d'autant plus que mon père ne m'en a pas vraiment parlé. Mon père était dans un DOP, un détachement opérationnel de protection, qui était un centre d'interrogatoire. Donc, il a vraiment passé 2 ans au contact de prisonniers dont il avait la garde, qui étaient des gens qui étaient torturés chaque jour. Dans cette situation, il s'est a priori comporté de façon honorable, mais pas non plus héroïque et révolutionnaire. Il en a trimballé toute sa vie une culpabilité et des cauchemars. C'est une des choses qu'il m'avait dit. D'ailleurs, c'était... il se disait, est-ce que j'aurais pas dû prendre le maquis? La vraie chose à faire, c'était de prendre le maquis et de rejoindre les rangs du FLN. Mais... Il avait 18 ans. Enfin, trouver la force de prendre des décisions pareilles à 18, 19 ans. Par contre, il se sentait quand même complice et coupable. Du coup, je pense que c'était plus inquiétant pour lui de se confier que pour moi de recueillir son témoignage. Est-ce que il avait peur d'entendre de moi que je le prenais pour un salaud ou un lâche ou que je recueille mal son témoignage et que j'en tire de mauvaises conclusions sur lui, que l'image que j'avais de mon père soit changée. Encore une fois, je ne lui ai pas posé ces questions. J'ai été très, très discret. Il y a eu un moment où je n'osais plus bouger de ma chaise quand il s'est mis à parler en me disant il y a quelque chose de fragile qui se passe et si je bouge ou si je pose une question de trop, peut-être que ça va s'arrêter. Donc j'ai pas, et par la suite, je n'ai pas non plus... j'en ai bien plus appris sur lui en tant que personne dans la façon dont il m'a dit les choses et l'effort que c'était pour un homme comme lui ou pour n'importe quel appelé de raconter pour la première fois une chose qu'on avait racontée à personne encore. Ça m'a appris beaucoup plus de choses sur lui que ce qu'il m'a finalement raconté sur la guerre d'Algérie en soi. Ce qui importe, il me semble, pour comprendre comment une transmission se fait, si elle se fait, avec quelle fluidité elle se fait. Raphaël Branche. Ce qui importe, il me semble, c'est plutôt de revenir sur le lien entre l'individu et sa famille, c'est-à-dire comment comment l'expérience individuelle, donc là on parle du père, comment ce qu'il vit, ce qu'il a expérimenté, a éventuellement mis à l'épreuve les valeurs de la famille, l'a amené à prendre ses distances avec des choses, qui fait que s'il veut rester un fils pour ses parents, un frère pour ses sœurs et ses frères, et parfois aussi un compagnon pour la femme qu'il aimait avant de partir, il va taire l'expérience algérienne qui est trop différente en fait de ce qui a échangé. Je pense que c'est ça qui est au cœur, il me semble, voilà, que c'est le nœud, il est là. C'est pas parce que la société est prête à entendre un certain nombre de choses sur la guerre d'Algérie, que dans les familles on dit qu'on est prêt à comprendre, qu'on est prêt à expliquer, qu'on est prêt à pardonner parfois des actes, que les hommes sont plus capables de parler pour autant s'ils sentent que leur parole va mettre à mal la famille. Et donc je me suis mis à m'intéresser à cette période et à comme vouloir raconter une histoire qu'on m'avait pas racontée, remplir quelque chose, imaginer ce que mon père avait pu vivre. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais hérité de son histoire, qu'on héritait d'une guerre, qu'une guerre c'était un héritage comme un autre. Il suffit d'avoir un grand-père dans nos histoires ou un arrière-grand-père mutilé à telle guerre, ou ça a forcément une histoire qui a une répercussion sur des générations, forcément, et qui agit de façon invisible. C'est pas seulement ce qu'il a fait en Algérie, ça donne une personnalité opaque, une relation à la famille opaque, à sa femme, à ses enfants. Ça donne du difficile à construire la vie, en fait, vraiment. Vous savez ce qu'a fait votre père en Algérie ? Non. Juste, j'ai dû imaginer ce qu'il avait probablement vécu ou fait ou pu faire. Mais il y a des choses que je sais. Je sais où il était, à Alger, dans la gendarmerie, qu'il y a appris il y a plein de choses que je sais. Mais il y a tout ce que je ne sais pas. Tous les enfants ne fantasment pas ce qu'il y a dans le silence. Mais c'est sûr que pour un certain nombre d'entre eux, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Moi, j'ai commencé mon livre autour de ça, c'est-à-dire tous ces enfants qui se demandent ce que leur père a fait en Algérie parce que, me disait-il, il n'en parle pas. Donc oui, bien sûr qu'il y a des questions, et je pense effectivement que ça a des pièces du puzzle identitaire qui manquent. Mais voilà, de manière variable, différente, et puis on peut s'arranger avec ce manque aussi, on n'est pas condamné à en souffrir. Et c'est pour ça que moi, mon livre va jusqu'à nos jours, parce que je pense que les enfants, certains d'entre eux en tout cas, peuvent fabriquer avec ce manque, peuvent créer, et c'est la thématique de la post-mémoire de Marianne Hirsch sur comment est-ce que on reconstitue, on crée, on s'invente une identité, on vit hein, finalement, y compris une fois que le père est mort. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on construit du vivant du père. Donc c'est possible de ne pas vivre ce silence comme un destin et comme quelque chose de inexorablement marquant, surtout sur l'enfant, comme une espèce de tâche comme ça qui serait... Parce qu'il y a aussi cette idée très courante aujourd'hui qu'il faut crever les silences, il faut que les gens parlent. Sans doute, hein, mais la transmission, elle se fabrique peut-être par d'autres choses que simplement du récit. Là, je dévoile des secrets de famille, par exemple, dans mon spectacle. Et voilà, je me disais, waouh, ça va être chaud d'amener ça sur le plateau. Pourtant, moi, c'est la seule chose que je sais faire. Et en plus, je sens que ça permet de se connecter aux autres qui sont issus de la même histoire, finalement. D'une vérité intime, en faire une vérité collective. Et ça prend un autre sens. Moi, je suis en colère contre la France, en fait. Qu'un pays, une nation, puisse faire ça à ces jeunes gens-là, à 2 millions de gens, à une génération entière. Sans même leur dire que c'est une guerre, leur dire que c'est juste le service militaire. Je pense que c'est une génération où la France n'a pas été très cool avec ces jeunes. Et qu'est-ce que vous avez pu observer alors de création de ces silences chez les enfants ? Alors, je pense qu'il y a plein de sortes de manières de créer. J'ai pris dans le livre des formes assez évidentes parce que j'ai... travailler avec des enfants artistes, et donc je commence le livre par un roman policier, celui d'Antonin Varenne, dont on peut suivre un peu la construction, l'évolution, la manière dont il a d'abord recueilli un récit auprès de son père et après il en a fabriqué un roman en s'inspirant de ses lectures historiques, etc. La pièce de Bruno Boulzaguet, qui est aussi un mélange de ses lectures sur l'histoire. Il a essayé de comprendre, une fois son père mort, ce qui avait bien pu se passer pour que son père soit si abîmé au sortir de la guerre, dans les années de l'enfance de Bruno Boulzaguet. Donc c'est une pièce de théâtre. Elle m'intéresse, ces formes de création-là, parce qu'elles sont des mises en commun, en fait. Elles sont pas que des enfants qui créent pour eux, pour travailler leur identité. Elles sont aussi des propositions aux autres. Elles refont du lien à leur manière et elles essayent de nouer d'autres choses avec leurs contemporains. Alors on faisait un appel d'offres via les théâtres dans lesquels on venait jouer. Et, c'est pas un appel d'offres, un appel à témoignage, je veux dire. Mais c'était des descendants ? Pas tous, parce que la mémoire, elle ne concerne pas que les descendants, elle concerne aussi les... Bon, il y a les femmes d'eux, il y a les fils d'eux... Il y a les petits-fils d'eux, il y a les frères d'eux. Il y avait presque autant de guerres que de gens, même s'il y avait plein de choses qui se recoupaient. En fait, il y avait beaucoup de gens concernés. Je crois que c'est une personne sur cinq, je crois, est impactée d'une certaine façon, presque 20% de la population. En fait, j'ai plus cherché à faire ce spectacle pour résoudre que pour apaiser. Je ne cherchais pas à apaiser, je ne cherche jamais à apaiser quoi que ce soit. Résoudre. Oui, plutôt résoudre. C'est quoi un truc? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc? Puis le regard de ma famille a été important aussi. Je me dis, ah tiens, je touche juste. Même je les ai sentis heureux de quelque chose qui aurait été nommé, qui donnerait un sens aussi, pour eux aussi. Un sens à quoi? Ben, un sens à une autre histoire de famille, en fait, qui a été traversée par des choses très douloureuses et a donné un sens à ça. Il y a ça, il y a le phénomène guerre d'Algérie qui était là. C'est pas que entre nous, c'est plus large que nous. Oui, c'est peut-être ça, sublimé, oui. Ça redonne une dignité à quelque chose qui en perd. C'est-à-dire ça justifie ce qui est devenu moche, ça lui donne un sens. À la mémoire de mon grand-père, Jacobo, et à mon frère, Stanislas. Ce livre, c'est comme un lien avec que vous tracez entre vous et votre grand-père. C'est une façon de créer un lien avec lui. Et c'est une façon de le faire vivre, de le faire revenir. Peut-être que la quête de l'écriture, c'est... de retrouver ce qui n'a pas été dit. Et je sens qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et qu'est-ce que ça vous permettrait de combler? Peut-être de me sentir mieux dans le réel, mieux dans le présent, parce que je me sens un peu toujours désaxée. Je pense que je cherche une place que je peux occuper, qui ne soit pas un tremblement ou une incertitude permanente. Je pense que je cherche à m'ancrer, c'est-à-dire à me réconcilier avec ce qui me précède et à ne plus être suspendu dans le vide. En fait, ce dont vous souhaiteriez vous libérer, c'est l'injonction de la société à se souvenir d'une certaine façon de l'histoire de la Shoah pour créer votre propre rapport au passé de votre famille, de votre grand-père. Oui, c'est vrai que le devoir de mémoire, c'est problématique. Quand j'étais au collège, je crois, c'est la première fois que j'ai entendu cette expression. C'était vraiment au programme, le devoir de mémoire, avec la Shoah. Et je sentais une lourdeur là-dedans. Et je trouvais ça presque contre-productif. Parce que je sentais autour de moi, chez les élèves, une exaspération... présente comme si c'était un privilège. Enfin, j'entendais presque « Oh, bon, et les autres alors ?» Et je pense que à la fois je comprends et d'un autre côté c'est terrible d'entendre ça. Mais je pense que c'est très bien qu'il y ait un devoir de mémoire, c'est très bien qu'on l'étudie à l'école. Mais il y a quand même quelque chose là de problématique parce que déjà rien que le mot devoir, ça vous donne pas très envie de vous investir. Souvent, surtout à l'adolescence, on a tendance à plutôt vouloir être libre et aller soi-même vers les choses. Donc on nous donne le choix. Et puis, la nécessité de la mémoire plutôt que le devoir. J'ai fait un travail militant, c'est-à-dire que à la fois j'ai assumé le travail scientifique en recherchant toutes les archives nécessaires pour les croiser, pour asseoir mon sujet au niveau scientifique, et puis j'ai fait un travail militant, mémoriel important, en retrouvant le plus possible de tous ces anciens enfants sauvés, en les filmant, c'est-à-dire que je partais avec un caméraman, car pour une fois, non seulement on retrouvait des noms, mais on remettait des visages sur les noms, puis après on remettait des histoires sur les visages, et pour le coup, on était dans un combat contre le projet de Hitler qui avait été d'éradiquer toutes ces personnes, qu'ils aient plus de nom, qu'ils aient plus d'histoire, qu'ils aient plus de visage. Et quel lien vous avez tissé avec ces enfants ? Des liens très forts, parce qu'on a travaillé ensemble, on a partagé, ils m'ont donné la plus précieuse des paroles, qui est la leur, et moi je leur ai donné toutes les sources d'informations qui leur permettaient en réalité de combler toutes les parties de leur histoire qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que vous avez révélé des éléments de leur histoire que ces enfants, ces anciens enfants, ne connaissaient pas ? Tout à fait. Les enfants de sauvés du camp de Vénissieux ne savaient pas du tout pourquoi ils s'étaient retrouvés sans leurs parents, montés des carmélites, exfiltrés et cachés dans des familles. C'est quand même important de savoir pourquoi vos parents ont accepté de vous confier. Pour certains, le fait de ne pas savoir pourquoi ils avaient été abandonnés, confiés par leurs parents, c'était le nœud d'une grande souffrance qu'ils n'arrivaient pas à résoudre pendant toute leur vie. Et oui, que vous êtes venu un peu... Oui, d'autant plus que la plupart de ces enfants sauvés sont orphelins des deux parents. Donc, il n'y avait pas de réponse parce que pas d'historien qui avait fait qui s'était intéressé à cette histoire. Et puis, quand vous aviez des parents, au moins un survivant, souvent, la parole n'était pas libérée. Et en fait, ils ont même c'était interdit de parler de cet épisode de Vénissieux en famille. C'était tabou ? Ah, c'était tabou, oui. Et vous êtes venu apporter une pièce manquante ? Oui, et puis c'était très difficile parce que, imaginez, plus de 70 ans après, prendre votre téléphone, vous présenter et dire que vous êtes là pour parler avec eux de, en réalité, à la fois la pire nuit. C'est la dernière fois qu'ils ont vu leurs parents. Et puis en même temps, cette nuit extraordinaire du côté des sauveteurs, celle où ils ont pu sauver tous ces enfants. Et comment vous leur disiez au téléphone ? Je peux vous dire qu'à chaque fois, j'étais à la fois dans l'excitation de cette rencontre qui devait pouvoir se produire et la boule au ventre d'avoir encore à redire ces mots Vénissieux, séparation, nuit du 28 au 29 août 42. Donc on comprend, on fait attention. Et d'un autre côté, on est pris par le temps parce qu'on a une recherche à effectuer, qu'on attend beaucoup de vous, qu'il faut des résultats. Mais vous, quand vous rencontrez ces anciens enfants, parfois, ils vous racontent des choses qu'ils n'ont jamais dites ni à leurs compagnes, compagnons, ni à leurs propres enfants. Oui, moi j'ai souvent été très émue quand je rencontrais ces anciens enfants sauvés, parce que oui, c'était souvent la première fois qu'ils parlaient, en tout cas de cette manière. C'est-à-dire aller dans la profondeur de ce qu'ils avaient ressenti. Parce qu'ils savaient que je faisais le travail, moi, de fond, j'allais dans les archives, que moi-même, j'allais comprendre comment allait s'organiser la RAF, que j'allais comprendre comment allait s'organiser le sauvetage. Donc, eux, ils se sont dit, c'est intéressant parce qu'en fait, elles s'intéressent vraiment qu'à nos souvenirs. Et parfois, un souvenir, par exemple, dans les plus petits enfants, c'était une paille dans les cheveux et avoir été caché sous une banquette. Par exemple, le cadrage sur le camion. Mais c'est un souvenir très important parce que moi, ensuite, je l'ai rattaché à une archive. Quand vous voyez ces vieilles personnes, ces hommes qui ont une vie héroïque, en réalité, depuis tout petit, c'était compliqué, et qui se mettent à pleurer, tout simplement. Et ça a été d'autant plus fracassant, malheureusement, parce que je présentais souvent en plus à ces enfants cet acte, l'acte de cession de paternité signé par ses parents. Et j'en avais fait les photocopies, donc c'est tout ça qui revient, c'est leurs pauvres parents qui, vous imaginez, dans la nuit du 28 au 29 août 42, ils comprennent que leurs parents ont accepté de signer cet acte, et ils savent que le 2 septembre, ceux partis par le convoi 27 sont déjà pour la plupart gazés à Auschwitz. C'est hyper violent, en fait, de saisir ça, ce sacrifice fait par vos parents, parce que c'est toute l'ambiguïté. Vous imaginez, pendant des années, ces enfants ne comprenaient pas pourquoi, en réalité, ils n'avaient plus vu leurs parents. Et d'un seul coup, ils saisissaient toute la dramaturgie de cet événement, le don de soi de leurs parents. Donc c'est la dimension collective de l'événement qui permet de penser la souffrance individuelle. C'est ça. Donc vous êtes venu leur apporter des éléments, des images de cet événement qui a bouleversé leur enfance, oui, et leur vie. Oui, un récit avec un début et une fin, et qui nous permet aussi de comprendre pourquoi ces enfants ont été sauvés aussi, pas que jusqu'en août 42, mais jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'il restait encore 2 années de guerre, parce que toute cette partie en dehors du camp de Vénissieux, c'est-à-dire leur vie au sein de leur sauveteur de cœur, c'est eux qui pouvaient me la raconter. Aucune archive m'aurait raconté cette histoire-là. Et cet échange de l'humain à l'histoire, est-ce que c'est les ingrédients nécessaires pour permettre la transmission ? Tout à fait. C'est toute cette fibre humanitaire qui a fait vibrer ces sauveteurs pour tendre la main. Du coup, j'ai pu le comprendre en prenant la parole des enfants sauvés que j'ai rencontrés. Tous m'ont pas parlé que de sauvetage, ils m'ont parlé d'amour, comment on les avait aimés, comment ces sauveteurs de cœur les ont aimés comme leurs propres enfants. Mais et ça, c'est plus important, sauver un enfant, on dit, c'est sauver l'humanité tout entière. Écrire sur la guerre, c'est dire il faut plus que ça recommence, il faut plus qu'il y ait de guerre, je crois. Il faut. Moi, quand je vois les gamins syriens, je me dis dans quel état ils vont être quand ils auront 20 ans. Quand ils prennent des bombes tous les jours, toutes les nuits, je me demande dans quel état ils vont être. C'est pire que de l'humiliation, c'est pire que tout ça. On est en train d'enlever tout ce qui allait faire d'eux des hommes, des êtres humains, on est en train de leur enlever, parce que c'est tellement horrible ce qu'ils reçoivent, c'est qu'ils ont essayé de reproduire la même chose, de devenir des gens horribles. Alors que c'est pas eux qui ont voulu ça. S'il n'y a pas, plus tard, après, des gens qui vont les entourer pour leur expliquer que cette rage, cette haine, cette violence qu'il y a en eux, d'abord, il ne faut pas la retourner contre soi, ni la retourner contre l'autre, mais essayer de la canaliser, c'est très dur. Et c'est pour ça que vous ne parlez pas de la guerre à vos enfants, c'est pour éviter de leur transmettre la violence. Oui. Et puis la violence de l'autre, et puis la haine aussi de l'autre. Thank you. Les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui disent « on en a marre d'entendre parler de la Shoah, c'est fini, c'est derrière nous, ça ne peut plus arriver ». Moi, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi, selon vous, de penser comme ça, c'est dangereux. Ces jeunes qui disent ça, s'ils me le disent, je leur dirai « j'espère que vous avez raison, que ça peut ne pas se reproduire, mais moi, je n'en suis pas sûr ». J'ai cru ça à la fin de la guerre, compte tenu de l'immensité du massacre qu'il y a eu. Je me suis dit, une chose pareille ne peut plus se produire. Mais au fur et à mesure des années où on a vu le négationnisme réapparaître, qu'on a vu l'antisémitisme, l'anti-bronzé, l'anti... Dès qu'il y avait une différence dans un type d'individu, il y avait une espèce de rejet. Donc, si on n'y prend pas garde, si l'éducation n'intervient pas dans les écoles dès les tout petits pour expliquer qu'il n'y a pas de hiérarchie, les gens sont égaux en couleur, en droit. Et sans ça, ce qui s'est produit, je ne jurerai pas que ça ne peut plus jamais se reproduire. Je ne jurerai pas. Et d'ailleurs, ça s'est produit au Rwanda. Et d'ailleurs, ça s'est produit au Cambodge. Et d'ailleurs, ça s'est produit dans des tas d'endroits. C'était des manifestations bestiales de racisme. Donc, si vous vous croyez protégé, vous vous trompez. C'est une lutte constante, permanente. Voilà ce que je leur dirais. Vous avez peur ? Que ça revienne. Que la haine l'emporte, que ça revienne. Moi, personnellement, je leur dis ça. Lorsqu'une mosquée est vandalisée, moi, en tant que juif, je me sens en danger. Lorsqu'un cimetière est saccagé, moi, en tant que juif, je me sens menacé. Je me sens menacé, je sais que je suis sur la liste. Donc retenez bien cela. Je leur parle comme ça, voilà. C'était grandir avec la guerre, vivre avec le silence des parents. Avec Valérie Porteret, Paulette Pécher, Jean Baumel, Bruno Boulzaguet, Antonin Barène, Raphaël Branche, Frédérica Amalia Finkelstein et des extraits de son livre L'oubli, Jacques Clanchberg, Mehdi Charef. Merci à Paul Desjours, Léa Weinstein, Jacques-Olivier David du Mémorial de la Shoah. Prise de son Lucien Lefebvre, Marie Le Peintre, Yvan Charby. Mixage Benjamin Vignal. Production Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy, Anne-Lise Signoret. Un documentaire de Pauline Mocor et Véronique Samuilov.